il y a de la place pour tout le monde, si tout le monde reste à sa place. La maman d'Isaac et Soraya, maman Amida, Fondation La Colombe. Gombe na gombe. Où te caches-tu, chérie? Mon cœur blessé par la lame de tes mots, te cherche. Ronald, à terre arrosé 20 ans, bakayas. Non, engrais chimique, jamais coco, manata, yaba, mouéno. Sandra, soba. Pour toi, je suis sous un arbre artificiel. Mon longue est à déception. Vieille, et comme yon l'embissa, sa fouille patience. Souci est comme on liango na mungwaya, Miami, sonanga, Obaye, obaye, obaye, nda. Et titi, j'allumette, basale, là. Ezali sousou na place na carton te denge mote manere foule bolingo na Daniel Nyota ya na veyav Lucie Kamere ya Lulu da Cécile Chiyungu Obaye, obaye, obaye, obaye na Michel Moto de titi jale te basale la Ezali sousou na place na carton te denge mote manere foule bolingo na Les VPM Mayo Baudouin, Deta Estache Mwanti, Toutou John Mtumba, Panumpa Kole. Excellence Molendo Sakombi, Demol, Excellence Yabili, Kambale. La discipline est la mère des armées, confiance des Vandis à Carolingo Daniel. Thierry Tchachi. Kangalo Pango Eza Mabete, Noël et Kezali Kokanga Motema. Richie Mwose. Deta Kokete Kokanga Toko Zipa Fleu. Isha Bundo. Kata Ebomi. Bolingo no loco la soy, Kaiko, quel que soit nosé, Makolo, na koki ko boa kangote, na savo, nombre ma beño so salangai, na salango soustraction, par même nombre ango chéri, boyon de bolingo na ma Eric Fouri, lié Donald Trump, les plus heureux, la cite Kamanzi, déception trompée. Mamizo, pense mes cœurs, santé comme yon qui m'entoure, le bol à mon tonyongo. Honorable, bon abolingo, oh, oh, oh. Alfred Maïcha, oh, bon abolingo, l'amour. Ah, bene, tu es l'homme. Déception, oh, chérie, mon amour, permettre sourire et sala, à te lever des rideaux, na ma cama. Honorable, Ata osa mukolo déjà âgé poussani. Liboso moto zolinga, il faut ka koko ma bébé. Ko amema yo, pe abonde la yo. Abonde la kayo bébé. Yelo, kanga, yanigma kangila, japonais bengombo. Ata osa patron, tunda na yo bambongo. Liboso moto linga, il faut ka koko ma mondio. Docteur Seleyemba, Mwana Mboka, Gabin Lulemi. Chumani Kisombe. Eric Boke, Arnaud Bokanga, Théo Lugano, Yajano Mouima, Ange Mal, Papi Okata Osawa Pierre, Honorable Bertin Moubondi, Tania Lenga Lenga, Raissa Omari, Rara. Mon intime, Yatina Misolina, Maman Carole, Nyota et Chris, Loma Benetou.